Chapitre 269, l'interdiction de se vouer de la haine, de rompre les liens et de se tourner le dos. Allah Ta'ala dit « Les croyants ne sont que des frères. » Sourate 49, verset 10. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Sourate 5, verset 54. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Sourate 48, verset 29. 1567. D'après Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas, ne vous détournez pas les uns des autres, ne rompez pas vos liens, mais soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère musulman plus de 3 jours. » Al-Bukhari et Muslim. 1568. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi. Allah pardonne alors à tout serviteur qui ne lui associe rien dans son adoration, à l'exception de 2 musulmans, ressentant de la haine l'un pour l'autre et pour lesquels il est dit « Faites attendre ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Muslim. Dans une autre version, les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Puis il cita le reste du hadith.